révélations au mois de janvier dernier du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le gouvernement avait semblé vouloir prendre à bras-le-corps les questions liées aux méthodes d'enseignement basées notamment sur la recherche en neurosciences, peut-être d'ailleurs, et on en reparlera, au détriment de la pédagogie. L'idée était en tout cas de remettre de la scientificité dans les techniques d'éducation. Pourtant, lorsque les grandes lignes du nouveau programme officiel lié à la réforme des lycées sont tombées à la fin du mois dernier, le constat est pour le mieux mitigé, les ambitions confuses, au pire, aux antipodes de toute forme d'innovation dans l'apprentissage des sciences. Enseignement des sciences, faut-il tout réviser? C'est le programme scolaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et la complexité, on va l'entendre qu'il y a aujourd'hui à revoir, ou non, faut-il d'ailleurs tout revoir en profondeur, nos méthodes d'apprentissage des sciences, principalement dans le secondaire. Nous avons le plaisir de recevoir Cécile de Hausson, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en physique à l'Université Paris Diderot, chercheuse en didactique des sciences et directrice du laboratoire de didactique André Revuz. Et bonjour André Knop. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS en psychologie du développement et de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Descartes. C'est au sein du laboratoire LAPSIDÉ pour laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Voilà, vous pouvez écouter cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture. Et évidemment, je ne peux pas résister à la tentation de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en direct sur les ondes. On a eu des chiffres ce matin que vous avez peut-être entendu. Vous êtes plus d'un 1,5 million tous les jours, 2,8 de part d'audience, c'est historique pour la chaîne France Culture. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous qui êtes fidèles, merci à vous qui êtes des nouveaux venus. Ça nous fait en tout cas très plaisir et c'est un peu pour ça qu'on travaille, donc merci encore. Ceci étant dit, vous pouvez aussi nous écouter en podcast et en différé et nous suivre en parallèle sur le fil Twitter de l'émission comme tous les jours, @laméthodefc. Ceci étant dit, ce propos liminaire étant posé, pour commencer, eh bien peut-être par ce qui est notre spécificité en France, l'homme qui a certainement conditionné une théorie, pour ne pas dire une méthode de transmission et d'apprentissage des sciences à travers son ouvrage, La formation de l'esprit scientifique, c'est Gaston Bachelard. Écoutez sa voix, nous sommes en novembre 1949. Un des caractères fondamentaux de l'esprit scientifique réside dans l'union de la pensée rationnelle et de la pensée expérimentale. L'expérience, telle que la conseillait Bacon, ne suffit pas. Des constructions purement géométriques, comme la physique de Descartes, ne suffisent pas non plus. Un mot me semble nécessaire pour définir ces obstacles intimes, et j'ai jadis choisi le mot d'obstacle épistémologique. Ah voilà, on y est. Le cœur, ça vous fait sourire, Cécile de Hausson. Vous me confiez que vous étiez une grande bachelardienne. On aime beaucoup Gaston Bachelard à la méthode scientifique. Mais cet obstacle épistémologique qu'il évoque, est-ce que ça n'est pas effectivement peut-être le moment de le dépasser? Alors, il y a un peu un effet de style hein, quand je disais que j'étais une grande bachelardienne. Ce que je veux dire par là, c'est quand on est chercheur en didactique des sciences, c'est difficile pour partie de ne pas se réclamer de la pensée de Gaston Bachelard, et en particulier pas seulement de l'ouvrage que vous citiez, mais d'autres. Parce que je crois qu'il y a un des fondamentaux, en fait, de ce qui a apporté la recherche en didactique et qui continue à l'apporter, c'est l'idée qu'il existe dans les savoirs, et en particulier ceux de la physique, parce que là, je vais parler d'un domaine... Vous êtes physicienne, je le rappelle. Voilà, de la physique, c'est qu'il existe de manière un peu intrinsèque au savoir eux-mêmes, des nœuds, des difficultés, et il se trouve que pour beaucoup de ces concepts, ces nœuds vont se retrouver dans l'apprentissage, si on considère, alors ça, définir l'apprentissage c'est compliqué, mais en tout cas dans la conceptualisation individuelle, c'est-à-dire chez les individus, on va retrouver des difficultés qui sont connectées aux difficultés spécifiques à certains savoirs de la physique. Donc je crois que c'est cette idée-là, en tout cas, elle continue à porter pour partie nos recherches, mais c'est certes pas la seule chose à prendre en compte, et c'est évidemment pas la seule dimension qu'on prend en compte dans les recherches, en tout cas quand on s'intéresse au processus d'enseignement et d'apprentissage des sciences. André Knop, que vous évoque cet extrait que nous venons de diffuser de Gaston Bachelard? Là, je me suis dit qu'il serait intéressant de dire les intuitions que nous avons comme hommes, ils nous servent des fois aussi pour apprendre quelque chose. Par exemple, moi, je fais des recherches sur les nombres, sur le calcul, et là, on a l'intuition de nombre. Elle est innée, on l'a dès la naissance. Elle peut nous servir pour mieux comprendre et pour mieux apprendre ce qui est le calcul, ce qui est le contenu du calcul. Et donc là, je dirais de profiter de cette intuition que nous avons pour bien apprendre. Oui, oui. Cécile de Gausson. Il y a, je crois, en particulier dans la notion d'obstacle qui est un peu remise en cause aujourd'hui, parce que d'une part, on sait que il suffit pas d'avoir franchi l'obstacle pour que tout soit réglé. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que remettre 100 fois sur le métier dans des situations variées, diverses, montre que un certain nombre de difficultés que l'on croyait éradiquées reviennent, refont surface, on change de contexte, on change de mots, on change de situation. Donc il y a la notion d'obstacle qui peut être discutée, notamment parce que, comme le dit très bien Monsieur Knopf, excusez-moi. Effectivement, ces intuitions, enfin cette pensée, on va dire spontanée, en tout cas qui se construit parce que dès que l'enfant vient au monde et dans son développement biologique, il va se construire des relations à ce monde et donc des relations entre des concepts. Elles peuvent constituer ou elles devraient constituer aussi des leviers. C'est-à-dire, mais tout ça pour dire que les connaître. Ces obstacles, ou en tout cas ces difficultés, on va les appeler comme ça, ces difficultés ou ces manières de penser, sans préjuger de leur bien fondé ou de leur mal fondé, les connaître, les spécifier, savoir comment elles se manifestent, comment les repérer, comment les travailler, je pense que ça peut rester un élément important de l'éducation scientifique. Je vais faire un rapprochement un peu hasardeux, honteux. Vous le jugerez, je vous le confie et vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez le droit de me le jeter au visage si vous voulez. Mais avec un autre scientifique. Alors, ce n'est pas du tout la même génération, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même culture scientifique, mais c'est quelqu'un qui a lui aussi beaucoup théorisé la transmission de la connaissance scientifique de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous livrer sa citation et puis je vous donnerai son identité à la fin. La citation, c'est celle-ci. Chaque enfant commence par être un scientifique né, puis nous leur enlevons cela. Peu traversent le système avec émerveillement et leur enthousiasme pour les sciences intactes. C'est une citation de Carl Sagan. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose d'une différence d'approche, de conception, d'envisager la transmission des sciences d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Qu'en pensez-vous, André Knopf? Bah, tout à fait. Je crois que ça fait référence à la difficulté de juste transmettre un concept. L'idée qu'il y a un enseignant qui connaît quelque chose, il est transmis aux enfants qui ne connaissent pas. Et donc là, souvent ça se passe mal, parce que les enfants, ils ont déjà l'attention limitée, ils ont une mémoire limitée, et puis ça joue aussi sur la motivation des enfants. Ça démotive très très rapidement. Et donc mieux, c'est de faire une approche plus active, de le faire découvrir quelque chose. Qu'en pensez-vous, Cécile de Hausson? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit si antinomique. Parce que moi, effectivement, quand je vous disais tout à l'heure que l'enfant, dans son développement, va se construire un rapport au monde de manière plus ou moins spontanée, effectivement, il va mettre en relation des concepts qu'on va retrouver d'ailleurs dans la science de référence, si on peut dire, des relations entre des distances et du temps, des relations, enfin, tout un tas de relations qui engage en tout cas des savoirs qu'on va retrouver dans la science plus tard. Donc derrière scientifique né, moi j'entends cette idée qui a d'abord un intérêt, une curiosité pour le monde qui nous entoure. Ça c'est la première chose. Chez Sagan, il y a quelque chose de très fort sur la méthode expérimentale. Disons que la méthode expérimentale, elle est intuitive chez l'enfant. Mais oui, mais simplement... J'essaye, j'ai un échec, j'apprends. Tout à fait. Je pousse cet objet, il se met à bouger, je vais mettre en relation quelque chose, mon action avec le mouvement. Je le pousse un peu plus fort, l'eau tombe, je suis mouillé. Exactement. Non, mais d'une certaine manière, il y a une expérimentation sur le monde, sur les objets, et vous voyez que derrière ça, j'ai créé une relation entre quelque chose et puis une action sur le monde qui est le mouvement. Ce que va dire Bachelard au regard de ça, c'est que souvent, le quelque chose en question qui va mettre en mouvement l'objet, l'enfant va... On va l'appeler, je ne sais pas moi, une action, une force peut-être. Et là où vont intervenir un certain nombre de problèmes, si on peut dire, c'est que il y a une relation causale qui va s'installer pour l'enfant de à chaque fois qu'il y a du mouvement, il y a une force. Et or, cet énoncé n'est pas toujours vrai du point de vue de la physique. Et je pense que c'est là où Bachelard intervient et nous met en garde en nous disant voilà, il y a une des relations qui se construisent et qui disent des choses sur le monde. Et parfois, ces relations-là, elles ne sont pas tout à fait conformes à ce que va ensuite dire le physicien. Pour filer un peu hein, ce parallèle que je voulais faire au début pour bien comprendre, parce que c'est vrai qu'on a moins dans notre univers référentiel, culturel, scolaire, dans nos souvenirs de l'enseignement, on se rend pas bien compte de la différence d'approche et de la différence méthodologique qui peut être très très importante d'un pays à l'autre. Je prends les États-Unis justement à cause de Sagan qui est une figure un peu tutélaire, mais est-ce que il n'y a pas d'un seul coup effectivement de façon très très évidente une approche d'enseignement fondée sur l'expérience, vraiment fondée sur la démarche expérimentale, sur la méthode d'expérimentation d'une part, alors que d'autre part, chez nous, dans une culture française, à mon avis très française et peut-être pas très allemande, je vous demanderai votre avis André Knop là-dessus, sur un rationalisme appliqué qui est plus intellectuel finalement. Qu'en pensez-vous ? Bah déjà, je veux faire référence à ce que vous avez dit. L'important c'est aussi que c'est pas seulement une question de théorie, de philosophie, mais c'est aussi une question de qu'est-ce que l'enfant va retenir. Et plus ce soit actif, plus qu'il soit impliqué, engagé dans une tâche, plus il va retenir quelque chose. Et finalement, c'est ça le but de l'école, de former quelque chose pour que l'enfant se souvienne. Et donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord que l'approche très passive, elle est tout à fait bien. Je ne crois pas du tout avoir parlé d'approche passive. En fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que quand je parlais de mise en tension entre Sagan et Bachelard, je pense que les deux sont conciliables. Dire qu'un enfant est peut-être un petit scientifique, en tout cas spontané, oui, dans la mesure où il va effectivement se construire un certain nombre de relations au monde, sur le monde matériel et des concepts, etc. Et qu'au regard de ces constructions qui s'opère de manière plus ou moins spontanée, il y a un corpus de connaissances qui parfois va rentrer en tension. Mais ça ne dit rien de la manière dont il faut travailler cette tension et cette bipolarité. Là-dessus, on pourrait dire des choses. Et pour répondre sur la question du rapport à l'expérimental, si vous lisez aussi Bachelard, vous trouverez que il y a l'idée de savoir poser des problèmes sur le monde. Moi, je suis tout à fait ouverte, et d'ailleurs on a pas mal d'expérimentations au laboratoire qui vont dans ce sens-là, de regarder ce qu'il se passe lorsque des élèves sont mis en situation de démarche d'investigation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça produit? Et ce dont on se rend compte, c'est que une des difficultés, c'est non seulement d'expérimenter, mais expérimenter pourquoi? Pour apporter une réponse, et une réponse à quoi? À un problème qui souvent est posé en dehors des élèves eux-mêmes. Et pour reprendre Bachelard, puisque vous avez commencé l'émission avec lui, Bachelard dit bien... On va le quitter à un moment donné. Non, mais du coup, je joue le jeu. Oui, bien sûr, mais absolument, c'est parfait. Je joue le jeu et je dirais qu'il y a quand même une information qui est aussi, et qu'on retrouve d'ailleurs chez Dewey, pas que chez Bachelard, qui est qu'une partie de la connaissance s'y acquiert à partir, scientifique, à partir du moment où on a réussi à poser un problème, pas seulement à le résoudre. Et je pense que la manière de poser des problèmes sur le monde, elle peut aussi être encouragée par des démarches dans lesquelles les élèves sont plus du tout passifs, là, pour le coup. Parce que savoir poser des problèmes, pour le coup, ça s'apprend. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de l'enseignement des sciences, principalement dans le primaire et dans le secondaire. Vraisemblablement, on va se concentrer autour du secondaire, autour de cette heure, puisque l'un des points d'ancrage de cette émission, c'était la réforme des programmes du lycée. On sait que vous savez peut-être que l'apprentissage du lycée est en train de changer pour 2019. On ne va plus séparer les matières. Les élèves vont pouvoir choisir des matières un peu à la carte, des majeurs et des mineurs. On y reviendra évidemment dans le détail. Mais un autre point d'ancrage de cette émission, c'était un de ces dossiers de la revue Nature qui sont des dossiers souvent assez complets, assez fouillés, autour de précisément cette question de l'importance de l'éducation scientifique aujourd'hui, quasiment en 2020. Ce dossier, dans l'éditorial de ce numéro qui date du 4 octobre dernier, il y a cette introduction que je vous soumets et à laquelle j'aimerais entendre vos réactions, vos impressions. Cet édito commence de la façon suivante, il dit « Des connaissances fondamentales solides en STEM ». Alors STEM, c'est pour Science, pardon, Science, Technology, Engineering et Mathématiques, donc la science, la technologie, les sciences de l'ingénieur et les maths. Donc des connaissances fondamentales solides en STEM sont vitales pour des enjeux beaucoup plus vastes que la seule formation de scientifique. Les futurs emplois dans une très large quantité de secteurs vont requérir des qualifications en STEM. Ce dossier, donc dans Nature, explore comment les sciences de l'éducation sont en train d'être modernisées pour préparer les étudiants à la vie dans le 21e siècle. Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre qu'aujourd'hui, notre système d'éducation en France a cette même conception paradigmatique de l'importance de la culture scientifique, pas seulement pour former des scientifiques, mais dans la vie des adultes du 21e siècle? Cécile de Hausson. Vaste question. En plus, je pense que ce que doit faire l'école... Ça dépasse largement les réflexions qui engagent la recherche, en tout cas la mienne. Je pense que derrière, il y a des choix de société, choix politiques, et bon, sur lesquels moi, je ne saurais pas me prononcer. Le paradigme, ou en tout cas cet ensemble STEM, je suis pas sûre que ce soit la... Enfin, comment dire ? Je pense, oui, qu'il y a une volonté aujourd'hui, y compris du système français, de doter les élèves de bagages suffisants pour pouvoir distinguer, en tout cas c'est des ambitions qui sont affichées, des énoncés ou ce qui relève de la science, aussi bien dans les méthodes, dans l'établissement des connaissances, et ce qui n'en relève pas. Je pense que ça, c'est une volonté affichée. Après, les moyens qui sont mis pour ça, je veux dire, en termes de programme, etc., c'est autre chose. Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de doter les élèves d'une certaine culture scientifique. Donc, il faudrait définir les contours. Mais en tout cas, ça, je crois que c'est assez clair, que c'est pas nouveau non plus. Mais voilà, alors, je sais pas si c'est par STEM qu'il faut passer. Mais en tout cas, l'ambition... Pour vous, elle est réelle. Elle existe aujourd'hui, elle est ancrée dans la tête des gouvernants, des gens qui s'occupent justement de dispenser, de former les professeurs, de créer les programmes. Oui, même si moi je suis ni dans leur tête, ni dans ces commissions. Mais en tout cas, de ce qui transparaît au travers des écrits, aussi bien des programmes que de ce qu'on peut entendre quand on fréquente un petit peu ces milieux, la réponse est oui, oui. André Knob, vous partagez cette opinion de Cécile de Hausson ? Oui, et je voudrais ajouter que ce soit extrêmement important de former un esprit scientifique à l'école aujourd'hui. Regardez ce qui se passe avec les fake news et tout ça. Donc il faut avoir des outils pour décortiquer tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai. Et donc pour comprendre ça, il faut avoir compris, bon, qu'est-ce qu'il est une hypothèse, qu'est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est reproductible ou pas. Et donc ça, c'est extrêmement important de former ça à l'élève. Et ça, c'est indiscutable. Cécile de Hausson a prononcé quelque chose qui me semble aussi relativement important. Vous avez parlé de choix politiques. Aujourd'hui, l'enseignement des sciences, c'est une option politique que l'on peut plus ou moins prendre en fonction d'un agenda intellectuel de formation des générations futures. Vous voulez dire, est-ce qu'on peut choisir ce... Est-ce que l'enseignement des sciences relève d'un choix politique, c'est-à-dire de la décision d'un État, d'une nation, d'un gouvernement, d'encourager, comme ça a pu être fait par exemple par les Américains à la fin des années 50, suite au lancement de Sputnik, ils ont vraiment mis le paquet sur l'enseignement des sciences dans les écoles pour essayer de rattraper, de combler un retard et de former à une génération ou à deux générations plus de scientifiques qu'ils n'en formaient auparavant. C'est une bonne idée, à mon avis. Cécile de Hausson. Ah oui, moi, je pense que c'est fondamental. Et de fait, autant les ambitions affichées vont dans le sens d'une augmentation, en tout cas, de la culture scientifique, encore une fois, à définir. Mais on va essayer de le faire tout à l'heure, parce que c'est important. Voilà, autant derrière cette ambition, évidemment, vient la question des moyens, du nombre d'heures, de la formation des enseignants. C'est ce qu'on appelle un choix politique, hein. Donner des moyens à un secteur, c'est un choix politique. Exactement, c'est pour ça qu'il y a l'ambition d'un côté, les mises en œuvre de l'autre. On parle évidemment de mise en œuvre matérielle, il y a aussi le comment, qu'est-ce qu'on fait, quel choix et qu'est-ce que ça produit ? C'est toujours un peu la même chose là-dessus. Alors, je citais en introduction, on va essayer de voir un peu les deux branches importantes qui se sont ajoutées, alors pas toutes de manière extrêmement récente, mais qui sont aujourd'hui des branches qui sont exploitées dans la façon de penser, de repenser, de moderniser l'enseignement des sciences. Je parlais en introduction de la création au mois de janvier par l'actuel ministre de l'Éducation nationale du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Peut-être, André Knop, pouvez-vous me dire un mot de ce Conseil scientifique, de son rôle, de ce qu'il fait, de ses ambitions? Alors, je ne suis pas non plus dans les têtes de cette commission. Bien sûr, mais objectivement. Je trouve que c'est une bonne idée de s'appuyer sur les connaissances de la science cognitive. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, puisque vous êtes vous-même neuroscientifique. Qui a bien identifié quelques pilars qu'il a énoncés, comme l'attention à l'apprentissage, la consolidation. Et donc, il y a quatre piliers hein, qu'on oui. peut résumer rapidement, qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation, qui sont les quatre piliers oui. de ce que proposent les neurosciences de l'apprentissage. Donc c'est la base des sciences cognitives. Et là, on s'appuie sur une connaissance tellement riche, et ça serait dommage de ne pas en profiter pour améliorer l'enseignement. Par exemple, les mécanismes de mémoire, on en connaît beaucoup, mais on a toujours cette tendance de transmettre les informations d'un coup. Et ça, c'est pas une bonne manière de faire. Il faut écarter en espace et en temps de transmission de l'information. Ça, on sait depuis quelques dizaines d'années. Et donc, si on arrivait à mettre ça en place à l'école, ça serait déjà une bonne chose. Donc là, je crois qu'on puisse profiter de ces connaissances très profondément. Alors, c'est très curieux parce que la France est peut-être un peu conservatrice, je ne sais pas comment le qualifier, mais il y a une sorte de suspicion un peu sur ces sciences, sur ces neurosciences cognitives, en disant on ne va pas résoudre le problème dans l'enseignement uniquement via ces neurosciences cognitives, via ce programme-là. Vous confirmez qu'il y a un peu d'hésitation pour utiliser peut-être une litote, Cécile de Hausson? Moi, il y a des discussions. Mais en réalité, je pense que sans doute que parfois, les discussions, elles sont aussi liées à des formes de malentendus ou à des manières de présenter les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'école prise pour objet de recherche, elle peut être approchée de diverses voies. Et d'ailleurs, elle l'est. C'est-à-dire que l'enseignement, et l'enseignement des sciences en particulier, si on le prend comme un objet de recherche, comme n'importe quel système qui deviendrait un objet de recherche, bah vous pouvez éclairer ce système de diverses manières, et il faut l'éclairer de diverses manières. C'est-à-dire qu'il n'y a que par la complémentarité des approches scientifiques qu'on arrivera à cerner une complexité qui est tellement grande, qui serait complètement illusoire de la réduire pour en faire un objet très très singulier sur lequel on pourrait dire des choses. Donc la nécessaire complémentarité des différentes approches, elle répond à une complexité, à un système qui est très complexe. Tantôt, vous allez décider de regarder de manière très, très, très, très, très précise la manière dont, excusez-moi, je vais être peut-être un petit peu naïve dans mes propos, mais la manière dont le cerveau individuel réagit à tel ou tel stimulus. Tantôt, vous allez regarder comment un collectif d'élèves s'empare d'un problème pour avancer ensemble dans la co-construction d'une solution ou d'un problème, puisque j'en parlais tout à l'heure. Tantôt, vous allez regarder la manière dont l'enseignant s'y prend pour exposer ou travailler tel ou tel savoir, les exemples qu'il mobilise, les mots qu'il utilise. Moi, je travaille beaucoup sur l'analyse de discours quand je fais de l'analyse de pratique des enseignants. Tantôt, je sors complètement de nos deux champs de recherche, mais vous allez vous intéresser à des questions beaucoup plus sociales et de la question des inégalités scolaires, la question de la différenciation genrée. Et dans ces cas-là, la sociologie aura beaucoup plus de choses à dire que mes travaux ou ceux de la didactique des sciences. Donc, moi, je pense que l'intérêt de... En tout cas, je pense que si on devait apporter un certain nombre de réponses sur qu'est-ce qui se passe quand on enseigne, qu'est-ce qui se passe quand on apprend, indépendamment des méthodes qu'on choisit, je pense qu'une manière de, un peu, je pense, raisonnable de poser les choses, c'est de se dire que chacune de nos approches est complémentaire, nécessaire, parce qu'elle répond à une complexité. Et on pourrait se dire, et alors là encore, je prends cette parole pour moi-même, mais qui serait un comble dans l'enseignement des matières scientifiques de rejeter par principe les apports scientifiques autour de la connaissance des fonctionnements du cerveau et de l'apprentissage, André Knop. Oui, mais si on a une variété de méthodes pour enseigner quelque chose, il y a bien quelques-uns qui marchent mieux que l'autre. Pourquoi ne pas les identifier? Mais comme alors moi, proposé de la performativité là. Là-dessus, alors moi je sais pas. Je vais prendre un exemple. Marcher mieux. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle marcher mieux. C'est-à-dire, est-ce que c'est marcher mieux pour une question de performance, une réussite à un examen? Est-ce que c'est marcher mieux pour que dans 10 ans, ce qui a été appris une fois soit toujours mobilisable? Parce que c'est ça, je peux aller chercher la connaissance que j'ai apprise, je sais m'en servir et je sais m'en servir de manière appropriée. Donc bon, déjà, on pourrait réfléchir à ce que ça veut dire marcher bien. Moi, je reste prudente là-dessus. Et puis en imaginant qu'on arrive à faire on réduit tout. C'est-à-dire on réduit toutes les dimensions de la complexité de ce système qui est la classe. Alors on définit un modèle de classe, un modèle d'enseignant, un modèle de savoir, un modèle d'élève. On modélise la situation à l'extrême. Et puis on va avoir effectivement peut-être une manière de faire qui va répondre à ce système qui sera très très très très très simplifié. Et finalement, la réponse que je vais obtenir en bout de course, on peut se demander quel statut elle va avoir. C'est-à-dire que si c'est uniquement une réponse qui a été obtenue sur un travail qui n'a pas pris en compte au moins un peu de complexité, finalement, la question, c'est quelle valeur pragmatique je vais accorder à ce résultat. Et enfin, je dis pas que... c'est encore une fois, je dis pas que... parmi toutes les possibilités offertes aux enseignants pour travailler un savoir avec des élèves, il n'y en a pas qui produisent certains effets qui pourraient être qualifiés de meilleurs que d'autres. Mais je pense que l'idée, ce n'est pas forcément de dégager la bonne manière, mais d'enrichir la palette des outils des enseignants. Bonnes manières. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ne marchent pas trop. Donc par exemple faire. Comme je disais, d'expliquer quelque chose, de faire répéter, de faire lire deux, trois fois, et hop, c'est parti. Ça marche pas. Voilà. Ça fait relativement consensus, André Knop. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, que l'apprentissage par cœur, c'est pas très efficace. Enfin, fait partie des choses qui relèvent un peu de l'ancien monde. Oui, entre ça guillemets. Fait consensus. Mais si vous regardez les résultats de PISA, par exemple. Oui. Voilà. On ouvre une autre page du débat. Mais allons-y. La France est 26e, à la 26e place pour l'enseignement scientifique. J'ai un peu regardé les chiffres pour l'Allemagne et la France. Et il y a un paramètre qui demandait la stratégie pour comprendre un texte. Pour comprendre le contenu d'un texte. Et là, on a constaté la France, les élèves français sont très très bien. Ils connaissent beaucoup de stratégies, ils connaissent quelles sont les bonnes stratégies, quelles sont les mauvaises stratégies. Mais si on regarde, est-ce qu'ils les appliquent? Non. Là, la France est vachement pire que d'autres pays. C'est-à-dire, les appliquent comment? Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien pour comprendre un texte? Oui. Et là, on voit, non, ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Donc, il y a un écart. Je ne sais pas d'où il vient, mais tant qu'on sait déjà quelles sont les méthodes bien ou pas bien, les appliquer, c'est une autre chose. J'aimerais qu'on va passer à pratique. On fait beaucoup de théorie dans cette première partie, mais c'est intéressant parce que ça permet de poser les bases de la réflexion. On va passer à la pratique et vraiment à rentrer dans les classes et dans les mécanismes d'enseignement des sciences à proprement parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais j'aimerais justement, avant qu'on en arrive là, c'était une leçon que vous preniez un peu de temps pour nous expliquer quels sont les apports de la didactique aujourd'hui, qu'est-ce que ça a permis d'apporter à la palette d'enseignement et pourquoi ça a permis de l'améliorer ou pas. Moi, je vais prolonger ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de mobiliser des savoirs dans des contextes différents, ou le fait que... parce que je crois qu'un des résultats, en tout cas, un des résultats de la recherche en didactique, c'est effectivement d'avoir montré que, d'abord, quand on analyse les routines, ou en tout cas ce qui est fait en classe, on repère des régularités. D'ailleurs, nos recherches... elles sont portées par ces repérages de régularité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par régularité? Vous allez dans une classe, vous observez des pratiques, vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà, plein de fois. Et puis, au bout d'un moment, vous allez... mettons que vous vous intéressez aux pratiques des enseignants, et ben, il y a des caractéristiques des pratiques des enseignants qu'on va retrouver régulièrement quand l'enseignant s'empare d'un savoir donné, par exemple. Ces régularités, c'est un peu ça qui fait force probatoire, c'est-à-dire le fait de pouvoir constater des régularités dans des pratiques et le fait de se dire que peut-être on va les retrouver ailleurs autrement. Je vous donne un exemple. Il y a des routines qui sont installées dans l'enseignement. Si vous étudiez le mouvement, je suis désolée, je suis obligée de rentrer un tout petit peu dans le détail. Allez-y. Si on rentre dans l'étude des mouvements, par exemple, alors je ne discute pas de est-ce que c'est intéressant de faire de l'étude des mouvements. Hein, je dis, on le fait. Et souvent, pour étudier les mouvements, notamment des projectiles, on étudie des mouvements de projectiles qui vont toujours, c'est un rituel, une routine qui est installée, de manière vers, vous voyez, de manière, je lance quelque chose. Parabolique. Parabolique, hein, ouais, c'est-à-dire vers l'avant, vers le haut. Et puis, c'est une même situation qui est mobilisée, elle est un peu paradigmatique en fait. Ça s'explique historiquement, tout ça. Bon. Donc, il y a un poids, une espèce de poids de la parabole, vous voyez, on fait toujours cet exemple. Et puis, récemment, moi j'ai un élève, un étudiant en thèse au Bénin qui travaille sur ces questions et qui a montré de manière assez probante que, en fait, vous changez un tout petit peu la manière de lancer et tout ce que les élèves savent faire dans un cas, et ça rejoint ce que vous disiez, en fait, bah, ils ne savent plus le faire. Si on lance la balle en arrière. Non, si on la lance, par exemple, toujours vers l'avant, mais vers le bas. C'est-à-dire que le fait de dessiner une parabole, de représenter la trajectoire comme une parabole, ça disparaît complètement au profit d'une représentation qui va être un segment de droite, par exemple. Et puis, il ne va plus du tout se passer la même chose. Pourtant, on est dans la même situation physique, du point de vue de la physique, mais on a changé une toute petite chose et on a changé tout l'édifice, finalement, conceptuel que l'élève mobilisait dans un cas qui n'avait été que ce cas répété. Donc, ces changements, en fait, de situation, refaire, reprendre, répéter, remobiliser, je pense que ça, c'est une des choses où j'imagine on va se rejoindre là-dessus, c'est-à-dire casser ces systématismes. Oui, c'est-à-dire, bah, en tout cas, se demander ce que ça apporte. C'est ça qui nous anime, en fait. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Et est-ce qu'il y a des alternatives possibles? Voilà. There once was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. Because it's easier to learn than unlearn, because we've passed the point of no return. Gather your goods and follow me, or you will surely die. I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock, so we followed as followers go, over the mountain with a napkin of snow, and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper the dreamer of love sleeps on a quilt of stars. Sometimes you can't catch your breath, it's cold. Teacher de Paul Simon à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons précisément d'enseignement des sciences aujourd'hui en 2018 et pour préparer les élèves et les futurs adultes à cette vie du 21e siècle. Nous en parlons avec Cécile de Hausson, qui est professeure des universités en physique à l'Université Paris Diderot, qui est chercheuse en didactique des sciences et directrice du laboratoire de didactique André Revuse, et André Knopp, qui est chargé de recherche CNRS en psychologie du développement et de neurosciences cognitives à l'Université Paris Descartes au sein du laboratoire Lapsidé. Alors depuis tout à l'heure, c'est vrai que je vous le disais, on est vraiment dans la théorie, on a parlé beaucoup de Bachelard, on a parlé un peu de Carl Sagan, on a parlé de pédagogie, de neurosciences, de didactique, mais concrètement, quand on est professeur face à une classe de collège ou de lycée, quelles sont les marges de manœuvre ou les programmes innovants qui permettent de renouveler les techniques d'apprentissage, notamment scientifiques? Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à un atelier Matangine qui fait se rencontrer des chercheurs et des élèves. Oui, je me suis rendu au collège Moulin des Prés à Paris, où Mathieu Robquin, qui enseigne les mathématiques, et ses élèves de 4e participent à ces ateliers Matangine, dont le but est de sensibiliser de façon ludique les élèves à la recherche scientifique, et dans ce cas, la recherche en mathématiques. Et en fait, ces collégiens, ils s'attellent de façon autonome, mais encadrée par les enseignants, à des sujets que leur proposent des universitaires et des chercheurs en mathématiques, sous la forme, la plupart du temps, d'énigmes à résoudre. Et le but de ces ateliers, c'est un congrès à la fin de l'année où les élèves rendent compte, comme de vrais scientifiques, de leurs découvertes et des pistes qu'ils ont suivies pour y parvenir. Je m'appelle Yvan, je travaille avec Vincent et Romain et on travaille sur un projet Matangine qui s'appelle le virus. Donc en fait, on a un damier et on considère que chaque case du damier c'est une cellule. Et au début, on peut infester, enfin colorier des cases et ça correspondra à des cellules infestées, à des virus. Et quand de côté une cellule est entourée de deux cellules infestées, elle devient infestée. Et le but, c'est de savoir quel est le nombre minimum de cases infestées à mettre au départ pour que tout le damier soit infesté, et peu importe ses dimensions. Alors, Matangine, donc, c'est une association qui a été créée pour donc faire des ateliers, promouvoir la recherche scientifique et mathématiques en particulier. Et donc, c'est d'essayer de mettre les élèves dans la peau de chercheurs, c'est-à-dire qu'on leur donne un sujet de recherche qu'ils ont choisi parmi une liste qui leur a été présentée donc par un chercheur de l'université. Et donc, ils doivent, comme des chercheurs, sans aucune aide, on leur a donné le sujet, ils essayent des choses et de trouver, de se tromper, de recommencer, etc. Ce qui est un peu perturbant pour eux, parce qu'ils n'aiment pas se tromper, ils n'ont pas de cours, rien sur quoi se baser à part leurs connaissances. Et donc, essayer de mener le plus loin possible leurs recherches, éventuellement trouver des choses ou pas. Alors, quels sont les types de sujets qui sont proposés justement par les chercheurs qui viennent du milieu universitaire à ces collégiens de 4e? Bah en fait, c'est des sujets très différents et très ouverts qui sont généralement présentés sous forme ludique, mais qui peuvent être aussi juste être de recherche mathématique comme certains mathématiciens les ont fait, par exemple refaire les recherches des mathématiciens grecs, etc. Donc ça varie vraiment d'une année sur l'autre. Et en plus, des fois, ça les amène à utiliser des propriétés qui sont même pas du niveau collège, et qu'ils arrivent à s'approprier de niveau lycée, voire des fois supérieur, juste parce que les recherches les amènent à trouver des nouvelles choses et à avoir besoin de nouveaux outils. Alors c'est un atelier qui se fait tous les ans, ça dure toute l'année donc pour ces élèves de 4e. Quelle est la finalité de cet atelier? Je crois qu'il y a un système un petit peu de congrès où les élèves présentent leurs trouvailles à leur recherche un peu en public, un peu à la façon des travaux universitaires où on partage avec ses pairs. C'est ça, donc on est toujours dans la même idée de faire ce que font les chercheurs, c'est-à-dire que donc on est jumelé avec le collège Camille Claudel pour que justement il y ait cette idée de mise en commun des recherches à un moment donné. Donc ils vont rencontrer 3 ou 4 fois dans l'année les élèves de Camille Claudel qui travaillent sur les mêmes sujets qu'eux pour mettre en commun leurs recherches, discuter est-ce que c'est valable, pas valable, est-ce que justement on peut utiliser les idées des camarades pour avancer dans sa recherche, ou aussi être capable d'expliquer à ses autres camarades ce qu'on a trouvé et valider cette recherche. Et aussi, donc, comme des chercheurs, être capable à la fois, donc, lors d'un congrès, de présenter l'état de ses recherches et d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas le sujet, toute la recherche, toute la démarche qu'ils ont fait, être capable d'expliquer qu'ils ont fait d'abord telle chose et qu'ils se sont trompés, qu'ils sont repartis sur autre chose, etc. Parce que justement, on essaye de leur expliquer que les erreurs, ça peut être intéressant. Et aussi, normalement, à la fin, ils doivent écrire un petit article pour être publié dans le journal Matangine, qui garde comme une revue scientifique les articles qui leur semblent les plus intéressants, qui proposent une avancée par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leurs archives. Et il y a aussi cette idée d'essayer d'être publié donc dans une revue scientifique. Alors là, on parle de l'expérience des élèves, l'expérience de l'enseignant, elle est comment et quel intérêt vous vous y trouvez en tant qu'enseignant que vous ne trouvez pas finalement dans l'enseignement classique des cours un peu magistraux, on pourrait dire. Bah justement, c'est que c'est tout à fait différent dans la mise en place, dans le contact avec les élèves, dans les attentes d'aboutissement. Là, c'est... Il n'y a pas de vrai but en soi où on est limité par un programme, où on doit être à ce que les élèves réussissent à acquérir quelles compétences, etc. On est juste d'essayer d'être dans le plaisir, de travailler ensemble, de trouver des nouvelles choses. Et voilà. Et donc ça change beaucoup le rapport aux élèves, ça change aussi le rapport à l'enseignant, où là on n'est pas le centre du sujet, où tout le monde nous écoute, où on est là pour apporter la bonne parole. On est juste là pour les guider, essayer que les élèves utilisent leur intelligence, se rendent compte qu'ils sont capables de trouver des choses par eux-mêmes, et que voilà, que c'est aussi très valorisant sous cette forme-là. Bonjour, je m'appelle Naya. Et vous travaillez sur quoi là du coup aujourd'hui? Donc c'est un rayon laser piégé, c'est si on prend un triangle horizontal et qu'on élève des miroirs sur chaque face et qu'il y a un rayon laser à l'intérieur. La question est de savoir si on peut toujours faire en sorte que le trajet du laser se referme en un triangle. Si oui, quel est le triangle de longueur minimale et s'il y a des trajets fermés autres que des triangles. Qu'est-ce qui vous plaît par rapport aux cours classiques? On est plus en autonomie et il y a plus de recherche que comparé au en cours où on est vraiment cadré et on nous met toujours dans la bonne voie. Alors que là, bah, on a déjà essayé des choses qui n'ont pas marché et donc c'est plus à nous de réfléchir que d'apprendre des choses. Vous avez vu du coup le chercheur qui vous a posé ces sujets? C'est ça, voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement vous intéresse, vous, la recherche scientifique plus tard? Non, pas forcément, voilà. Mais vous avez choisi de faire cet atelier quand même? Bah oui, parce que bah, c'est toujours bien quand même. Je ne pense pas m'intéresser à la recherche, mais si jamais c'est le cas plus tard, c'est toujours bien d'avoir eu un entraînement avant. Voilà. Merci beaucoup, merci. Alors, l'atelier Matangin, c'est un atelier qui fonctionne beaucoup avec un système de jumelage. Est-ce que c'est un jumelage qui fonctionne uniquement entre élèves du même niveau ou pas du tout? Non, en fait, on essaye de jumeler donc surtout les collèges proches géographiquement ensemble. Et donc, nous, on est jumelés avec le collège Camille Claudel qui n'a pas des élèves que de quatrième. Eux, ils présentent l'atelier ouvert à l'ensemble des niveaux. Et Camille Claudel donc est aussi jumelée avec une école primaire et donc ils font travailler leurs élèves de 6e avec des élèves de CM2 ensemble, pareil, dans la même idée de jumelage, mais du coup ils n'ont pas non plus les mêmes outils pour travailler, ils n'ont pas le même âge et c'est aussi une bonne façon d'être capable d'expliquer aux élèves de CM2 les démarches scientifiques comme on les voit au collège et aussi eux ils apportent des choses avec un peu plus de créativité, d'originalité des fois, ça c'est surprenant. Et quelle est l'idée justement de faire se rencontrer des élèves qui ne sont pas du même niveau? C'est de préparer un petit peu déjà l'entrée au collège et une approche des mathématiques un peu originale. C'est ça, c'est que ça leur permet de découvrir un peu le monde du collège, mais aussi, comme je dis, on change un peu les modes de réflexion entre le primaire et le collège, et c'est toujours très intéressant de voir que ces modes de réflexion amènent quand même à des résultats tous les deux, et que donc il y a un intérêt à vraiment échanger avec des personnes différentes qui réfléchissent pas de la même façon. Et c'est aussi les intérêts que trouvent les chercheurs. Tous les ans, les chercheurs donc qui proposent le sujet nous disent qu'ils sont étonnés de la façon de réfléchir des collégiens, qu'ils trouvent des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, parce que c'est vrai que vu qu'ils ont des outils beaucoup plus performants, beaucoup plus hauts, on a tendance à oublier certains outils élémentaires. Et qui apporte aussi des résultats des fois assez poussés et assez étonnants. Donc tous les ans, les chercheurs sont assez étonnés de la démarche de nos collégiens et voilà, assez intéressés par ce qu'ils trouvent aussi. Voilà ce reportage du jour hein, sur ces ateliers maths en jean au collège Moulin des Prés à Paris. Une réaction simplement l'un et l'autre. J'ai envie de vous entendre sur cette initiative qui est assez vivifiante, André Knop. Très fascinant, c'est exactement ce qu'il faut faire, il faut activer les, voilà. les élèves, il faut leur donner des problèmes concrets auxquels ils s'engagent, ils trouvent les solutions et j'en suis sûr qu'ils en profitent. Cécile Dausson. Oui, moi je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir avoir parmi les approches possibles, d'avoir des approches, en particulier des approches où les élèves sont mis en situation de recherche, qui viendront s'ajouter à d'autres types d'approches, parce que je crois que vous ne pouvez pas mettre des élèves 8 heures par jour pendant 5 jours dans des activités de recherche. Et donc, on réclame tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas mettre de asséner du savoir comme ça en continu, donc on va éviter de le faire. donc je pense que ça, là, on a une ouverture à nouveau, un enrichissement de la palette des possibilités d'action qui valorise en plus effectivement l'élève en tant qu'acteur de quelque chose. Mais moi, il y a des mots clés que j'ai retenus hein, de par ce exemple. Que disait. Et ben collectif, par exemple. Vous voyez, l'apprentissage, c'est aussi une affaire de collectif, de communauté. J'ai entendu communication, c'est-à-dire le fait que la création ou le processus de création de savoir, ça se communique. Le fait que il a quand même dit aussi à partir de leurs connaissances. Donc, je pense qu'il y a aussi cette mobilisation des connaissances qui permet de résoudre des problèmes et où les connaissances vont se réorganiser, s'enrichir, etc. Il y a quelque chose d'intéressant également pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, André Knoff, hein, de cette délivrance du savoir vertical, du sachant vers les non-sachants, de l'enseignant vers les élèves. Là, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant qui est de dire qu'on ne considère plus les élèves juste comme des apprenants, mais comme des chercheurs. Et c'est quand même une différence fondamentale, me semble-t-il. Tout à fait. Et je ne sais pas si c'est applicable à tout, mais en tout cas, sur ce type d'atelier-là, il me semble que ça fait une vraie différence. Ça fait une vraie différence et il faut bien sûr le cadrer, encadrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui corrige, qu'il n'y ait pas des fautes fondamentales qui s'installent. Parce qu'on peut aussi trouver des fausses solutions à un problème. Donc là, il faut bien encadrer, mais il faut activer les élèves. Mais les fausses solutions à un problème, c'est la démarche du chercheur de se tromper, de faire des erreurs. On l'entendait aussi dans le reportage, de réhabiliter le droit à l'erreur, le fait de se tromper. Il n'y a pas quelque chose aussi là qui est très proche de la méthodologie scientifique, de l'approche du travail du chercheur qui est intéressant à creuser, s'il le sent. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en donnant à l'erreur une place, en particulier dans la démarche scientifique, c'est aussi donner au statut du savoir scientifique une place particulière parmi l'ensemble des connaissances qui sont dans le monde. C'est-à-dire que le propre d'une connaissance scientifique, c'est son caractère provisoire. Et justement, le fait que, au-delà du fait qu'il y a des savoirs établis, il y a des normes, etc., il n'empêche que si on est dans l'idée que l'enseignement des sciences doit permettre aux élèves d'acquérir une forme de littératie scientifique, si je reprends les termes de l'OCDE en lien avec PISA. Donc de culture scientifique. Scientifique. La nature des sciences en fait partie. Dans la nature des sciences, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot science et qu'est-ce qui distingue la connaissance scientifique d'autres types de connaissances, notamment les croyances. C'est le caractère provisoire d'un énoncé et le fait de montrer que d'un énoncé scientifique, ce qui n'enlève rien à sa robustesse, hein, je le précise, mais néanmoins le fait de montrer que précisément ça fait partie de tout l'arsenal du chercheur en sciences en particulier de pouvoir explorer des pistes, de mettre à l'épreuve un certain nombre d'hypothèses et où le juge, enfin, il y a deux juges pour moi, il y a le monde réel. Et puis à la ça marche pas. Et puis à la communauté, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un consensus admis au sein d'une communauté. Mais la question qui me semble sous-tendre aussi tout cela, c'est évidemment celle de... On revient au choix politique de savoir comment on va former les enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants qui sont formés peuvent être formés à ce type de démarche d'apprentissage qui casse un peu les codes de l'enseignement verticalisé, André Knopp? Bah, je me demande pourquoi ils ne devraient pas être capables de faire ça. Bien sûr, on peut les former de faire ça. Et je crois que certains enseignants, ils ont déjà ces démarches-là. Mais ça ne peut pas fonctionner sur du volontariat ou sur des motivations individuelles. Ça devrait être, il me semble, généralisé, ou en tout cas institutionnalisé. Qu'en pensez-vous, ces leçons? Alors, moi, je fais de la formation d'enseignant. C'est une partie de mon métier. Les enseignants, aujourd'hui, dans les espaces de formation, en formation initiale, mais aussi en formation continue, effectivement, il y a ces questions-là, elles sont travaillées, mais toujours dans la diversité des approches. C'est-à-dire que on va pas... Enfin, en tout cas, si on considère que les apprentissages ils bénéficient d'une variété d'approches, alors vous dites... Il ne faut pas continuer à... Je pose des questions. Voilà. Je pense que les moments d'institutionnalisation se posent. on fait le point sur ce qu'on a appris, sur ce qu'il est nécessaire de retenir, de voir comment on va le mobiliser ailleurs. À un moment donné, se poser et faire le point, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire régulièrement. Le fait aussi de pouvoir avoir des cartouches, des bonnes situations qui vont pouvoir mettre les élèves en activité, mais encore faut-il les identifier. Je pense que c'est un des enjeux de la formation aussi, pour pas que les choses deviennent complètement systématiques. On a bien vu, en tout cas, la recherche en didactique a montré que tous les savoirs d'un programme ou ne se prêtent pas au jeu de la démarche d'investigation, par exemple. Il y a des critères, il faut... Et ça, pareil, mais c'est la question, encore une fois, enrichir la palette d'action des enseignants, c'est en particulier pouvoir aller sur des terrains qui, notamment, peuvent être ceux de la mise en activité des élèves. J'ai deux questions peut-être assez rapides sur... vous parlez justement, et à juste titre l'un et l'autre, de la formation à la culture scientifique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de faire la distinction entre des faits scientifiques qui peuvent être réfutés certes, mais qui sont éprouvés par l'expérience, et des croyances. On imagine bien qu'évidemment, vous le disiez tout à l'heure, André Knop, aujourd'hui particulièrement, c'est important, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une culture scientifique, même pour des gens qui ne se destinent pas à une carrière scientifique. Et je vais revenir à ces programmes de modification, des nouveaux programmes du lycée que j'ai sous le nez, qui sont tombés il y a peu de temps. Je vais vous lire rapidement le verbatim du programme officiel. Il y a 3 points. Il ne vise pas à construire un savoir encyclopédique, mais cherche plutôt à atteindre 3 buts intimement liés. Je vais vous les lire. Contribuer à faire de chaque élève une personne lucide, consciente de ce qu'elle est, de ce qu'est le monde et de ce qu'est sa relation au monde, contribuer à faire de chaque élève un citoyen ou une citoyenne responsable qui connaît les conséquences de ses actions sur le monde et dispose des outils nécessaires pour les contrôler, et contrôler au développement en chaque élève d'un esprit rationnel, autonome et éclairé, capable d'exercer une analyse critique face aux fausses informations ou aux rumeurs. Donc on voit bien qu'on est, il me semble, et j'aimerais vous entendre là-dessus, sur une sorte de programme extrêmement vaste. On parle de citoyenneté, de conscience de soi, de distinction, ce qui est certes très bien, il n'est pas question de critiquer ces objectifs. Là, il n'est pas posé à un seul instant la question du savoir scientifique, si ce n'est qu'il est relégué à un savoir encyclopédique que l'on refuse. Est-ce que c'est pas un peu court, André Knop? J'ai compris autrement. Je crois que ce qu'il voulait dire, ces mots-là, c'est inutile d'avoir un nombre infini de dates, par exemple, en tête. L'histoire des sciences n'est quasiment pas enseignée aujourd'hui, ou très très peu. Hein. Voilà, je crois que ça fait référence à ce qu'on peut vite trouver sur Internet, sur Wikipédia. C'est pas ça le but de l'éducation. Mais le but, c'est de former des compétences, de développer une question, de développer une solution. Ça, c'est le but. C'est comme ça que j'ai... Que vous l'entendez ? Oui. Si on compare, alors ça n'est évidemment pas le même type de texte, hein, c'est un texte officiel, je vous citais tout à l'heure un éditorial d'une revue scientifique, donc ça n'a pas la même valeur d'énonciation, mais ce que disait l'article de Nature, l'initiative Next Generation Science Standards aux États-Unis dont ça se fait reflet, c'est vraiment de dire on va former des gens à la réalité des STEM dans la vie du 21e siècle. C'est pas ce que j'entends dans ce programme de l'éducation nationale française, mais peut-être me trompe-je, Cécile de Hausson. Non, moi, je... Alors là, je vous avoue que j'aurais du mal à en dire plus que ce que dit le programme, c'est-à-dire que j'ai du mal à percevoir effectivement les intentions, et d'ailleurs, au passage, je me permets de saluer les enseignants qui vont avoir quelques mois pour s'approprier tout ça. Voilà, du courage. Mais du coup, c'est bien parce que ça va donner matière à réflexion et à travailler avec eux sur des propositions de ressources. Alors, je vais vous poser une question sur autre chose. Allez-y, continuez, pardon, je vous interromps. En fait, au-delà des intentions générales, si on regarde par exemple... Si on regarde par exemple le contenu de l'enseignement scientifique dans la classe de première, on voit que les connaissances qui sont visées, elles vont s'inscrire dans des contextes qui ont été assez peu travaillés jusqu'à présent. Alors vous citiez les États-Unis qui font le choix d'agréger Science, Technology, Engineering et Math. On pourrait imaginer des circulations autres avec des disciplines autres. Évidemment. Donc je crois que c'est peut-être un peu les intentions qu'il y a derrière les programmes, les nouveaux programmes français. Je ne sais pas très bien comment tout ça va se décliner dans le concret, mais on a toujours cette idée, je crois, derrière tout ça, de montrer que ces connaissances, elles ont un intérêt pour comprendre certains domaines autres ou certains domaines... Alors, vous dites des choses très concrètes sur STEM, donc du monde technologique, du monde de l'ingénierie, mais on pourrait très bien imaginer, je pense au programme, en l'occurrence, le monde de la musique, etc. C'est-à-dire, où est-ce qu'on les retrouve, ces connaissances? La question que je me pose, c'est que quand on lit ce verbatim du programme, on a l'impression que finalement, l'alpha et l'oméga de l'enseignement scientifique, en l'occurrence, comme tous les enseignements qui sont dispensés au secondaire, c'est la citoyenneté, c'est de l'intégration, ce qui est évidemment un rôle essentiel de l'éducation nationale, mais est-ce le seul? Est-ce que c'est suffisant? Ans, Cécile de Hausson. Oui, moi je sais pas. non, mais je suis désolé, je vous prends un peu de cours. Mais non, pas du tout. Enfin, non. Ce sont des réflexions un peu personnelles, mais c'est vrai que ça m'interroge, sincèrement. Mais pour moi, les savoirs scientifiques, c'est aussi une formation intellectuelle. Enfin, je veux dire, au-delà des objectifs citoyens, il y a aussi une formation intellectuelle de pouvoir... La satisfaction de pouvoir prédire, par exemple, des choses sur le monde qui nous entoure et de pouvoir les prédire de manière exacte, vérifiable, de pouvoir communiquer, de pouvoir voir que le voisin va trouver la même chose, qu'on s'accorde sur... Vous voyez, là, je ne sais pas si je suis exactement sur des enjeux citoyens, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sur des enjeux de formation critique, d'enrichissement intellectuel, si tant est que ça puisse être défini. Et je crois que là, les sciences ont une part à prendre énorme, parce qu'il y a cette forme de rationalité qui est quand même en soi un intérêt. Un tout dernier mot pour conclure, puisque nous sommes dans une émission scientifique, on est là pour décrire l'actualité scientifique, les progrès de la science. On est dans une période de foisonnement scientifique extraordinaire, si on pense à des choses emblématiques comme le grand collisionneur de Hadron et le boson de Higgs, la détection des ondes gravitationnelles, les missions spatiales, les nouveaux matériaux, les progrès en informatique quantique. On a des champs d'application qui, en termes de vulgarisation, ne sont pas forcément extraordinairement complexes à manipuler, qui montrent quelque chose d'intéressant entre le rapport des sciences, de la formalisation du réel et son impact direct sur la compréhension du réel. Est-ce que ça n'est pas une piste à explorer? Pourquoi ne pas finalement ancrer cet enseignement scientifique beaucoup plus dans ce qui est la vie aujourd'hui de l'actualité des sciences? André Knop, en quelques mots, pour une vaste question. Oui, c'est très vaste. Mais déjà, par exemple, si on comprend tout ce qui est derrière un algorithme comme Google ou tout ce qui est intelligence artificielle, il faut avoir compris pas mal les algorithmes de computation. Le code à l'école, on en a parlé ici, le programme. Voilà. Et donc, programmer à l'école, c'est essentiel pour comprendre tout ça, parce que c'est le 21e siècle. Il faut comprendre tout ça. Et si on ne comprend pas, on ne peut pas prévoir ce qui se passe sur notre propre espace et l'ordi qu'on a devant nous à la maison. Et donc, ça nous affecte directement. Cécile de Hausson, pour conclure. Non, mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on rapproche finalement l'enseignement des sciences avec des objets qui sont des objets d'une très haute technologie, qui nous disent des choses sur le monde, etc. Et qui peuvent être compris par tout le monde, et donc par des adolescents. Moi, je sais pas. Enfin, encore une fois, j'arrête pas de dire je sais pas. Mais je sais pas si ça peut être compris par tout le monde. En tout cas, la question qui serait intéressante à explorer, c'est comment on pourrait faire pour que certains aspects de ces technologies ou de ces instruments puissent être compréhensibles par un certain nombre d'individus, et effectivement, on rejoint finalement un petit peu ce autour de quoi on tourne, c'est-à-dire à partir du moment où on se dit telle manière de faire, je pense qu'elle peut produire des choses, dans ces cas-là, essayons, allons dans la classe, essayons de réduire un tout petit peu la complexité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, et puis regardons ce qui se produit, et je pense que la recherche, elle est aussi là pour éclairer ces questions-là. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus discuter de ces questions, on l'entend, sensibles, complexes, mais passionnantes de l'enseignement des sciences aujourd'hui en France. Merci Cécile de Hausson, merci André Knop, encore un immense merci, je leur dis, mais quand même, c'est rare d'avoir autant de raisons de se réjouir. Merci beaucoup à vous les fidèles et vous les nouveaux qui nous écoutez, 1,5 million par jour, 2,8 d'audience, c'est fou, ça nous était jamais arrivé, c'est historique, donc évidemment ça nous fait très plaisir parce que profondément, si on fait tout ça, et ben c'est pour vous, donc merci à vous. Et merci merci à toute la chouette équipe de La Méthode Scientifique qui me permet de faire cette belle émission tous les jours et sans qui je ne serais rien. Merci à Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Ville-France, Céline Lozen, Tob Humdenstock et Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard évidemment à la réalisation et aujourd'hui Kevin Boisseau à la technique. Demain, c'est une émission importante pour nous. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, mais enfin quoi que c'est encore un chiffre rond. Ce sera le 500e numéro de La Méthode. Pour l'occasion, nous avons réuni toutes les voix qui vous sont familières et nous avons recueilli toutes les questions que vous nous avez envoyées depuis 15 jours. On va mettre tout ça autour de quelques micros, on secoue et ça donne un résultat demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.